بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله continue avec la lecture de كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الحاشية de الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله. On était dans le troisième chapitre, donc Bab, le chapitre que le Shir il a intitulé Bab man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Donc le chapitre de celui qui a accompli de manière complète le tawhid rentre au paradis sans jugement. On avait dit wala azab, comme ça vient dans le hadith qui vient dans le chapitre, et sans, évidemment, sans jugement, donc sans châtiment. Il a cité le Shir un premier verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala décrit son Khalil, son ami intime Ibrahim alayhi salam al-Khalil, en citant certaines des caractéristiques que Ibrahim il avait, et l'accomplissement ou le fait de d'avoir ces caractéristiques là, ça représente l'accomplissement du tawhid complet. تحقيق التوحيد. Donc a accompli Ibrahim, évidemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres messagers. Et d'autres parmi eux, même après les messagers, même en dehors des messagers, comme on va le voir dans le hadith du chapitre, inshallah. Donc il dit wa qawl Allah ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al-mushrikin. Donc on avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit Ibrahim par quatre choses. La première, kana ummatan. Ummatan, on avait dit, ummatan, c'est-à-dire imam, yuqtada bih. Qu'il était un imam, quelqu'un qui est suivi et quelqu'un qui enseigne aux gens la guide et le khayr. Il y en a d'autres qui ont dit que umma, c'est le fait qu'Ibrahim alayhi salam, il était seul sur le tawhid, le khalis. Au début de la da'wa qu'il a fait. Donc il était lui et sa femme, seuls sur l'islam, sur le tawhid, sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pur. Et c'est pour ça qu'il a été appelé umma, c'est-à-dire qu'à lui seul, il représentait toute une umma. La deuxième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit concernant Ibrahim, il a décrit Ibrahim comme étant « qanitan lillah ». Qanit, on a dit le mudawim ala ta'atillah, c'est-à-dire c'est celui qui est constant dans l'adoration d'Allah. Donc l'accomplissement du tawhid complet, c'est le fait aussi d'être constant dans l'adoration d'Allah et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi qanitan, lillahi hanifan. Le hanif, on a dit, c'est celui qui dirige son cœur et son visage vers Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans aucun associé. Donc son cœur est empli d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ça implique le fait de s'écarter de toute autre chose qui pourrait le détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça concerne le shirk akbar ou l'asghar, ou même le ma'asi comme on va le voir. Que le hanif, c'est celui qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant lui seul. Et en lui vouant de manière exclusive son culte, et en purifiant son cœur de l'amour d'un autre que lui. Si bien que, Ibrahim alayhi salam, lorsque on connaît l'histoire de Dhabh, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, lorsqu'il a vu en songe qu'il sacrifiait son fils Ismaïl alayhi salam pour Allah jalla wa ala, malgré l'amour qu'il portait à son fils, qu'un père porte à son fils, il a accompli son rêve, ce qu'il a vu en rêve, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala le stoppe et qu'il légifère donc le fait de sacrifier un animal à sa place. Donc ça, c'est ça montre que le cœur d'Ibrahim alayhi salam, il est rempli, empli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que rien ne vient se mélanger à cet amour-là. Même, il a même fait précéder l'ordre d'Allah jalla wa ala sur l'amour qu'il avait pour son fils. Hanif, walam yaku min al-mushrikin, walam yaku min al-mushrikin, et il n'était pas du nombre des associateurs. C'est-à-dire là, qu'il n'était pas du nombre des associateurs, c'est quelque chose qui est, là le sens, c'est pas simplement le fait qu'il ne commettait pas lui-même le shirk. Parce que ça, on le comprend déjà dans quoi? Dans Hanif. Hanif, on a dit, la pratique du tawhid pur, le délaissement du shirk. وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, il ne commettait pas, certes, lui-même le shirk, ni par la croyance, ni par la parole, ni par les actes, mais en plus de ça, il s'est, comme on a vu dans les versets qu'il a cités, il s'est écarté d'eux physiquement. Et par l'inimitié qu'il leur a vouée, par la haine qu'il leur a montrée clairement, donc le fait de montrer ça au visage des mushrikins, ça rentre dans « walam yakum min al-mushrikin » et ça rentre dans l'accomplissement du tawhid complet. On a dit que la base concernant le mushrik, c'est qu'on doit croire, avoir la croyance ferme qu'il n'est pas musulman. Et on doit le détester. Allah Jalla wa Ala, il dit « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmi al-akhir wa dduna man hadda Allah wa rasoul » Quelqu'un, il ne peut pas aimer le mushrik pour son dîn. Ça, c'est un annulant de l'islam. La base, c'est que la personne, elle doit considérer le mushrik comme étant non-muslim, puisque l'islam et le shirk ne se rassemblent pas en une seule et même personne, le shirk akbar, évidemment. Et il doit le détester pour ce shirk-là. Vient ensuite des choses qui sont un degré au-dessus, qui sont obligatoires à la base, qui sont le fait de montrer l'inimitié et la haine envers le mushrik. Et selon les situations, ça peut même aussi aller jusqu'au combat, jusqu'au djihad, combat par les armes. Mais la base reste, ça reste la croyance. Et on sait que dans certaines situations, le fait de montrer l'adawa, c'est soit pas possible, soit même pas permis des fois. Comme Allah Jalla wa Ala dit, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insulte pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, ils insulteraient Allah. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'était à l'époque de la Mecque, il a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de montrer clairement l'inimitié envers leur divinité, parce que eux, par représailles et par ils allaient carrément insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que dans certaines situations, le fait de montrer l'adawa soit carrément dans ce cas-là n'est pas permise, ou des fois aussi le fait d'être dans des situations de faiblesse qui font que le fait de montrer l'adawa et le barda et la haine, ça peut se terminer par des représailles physiques ou des choses qu'une personne ne peut pas supporter. Ça rentre dans les règles qu'on avait vues dans le Wasitiya, de l'amr bil ma'ruf ou al-nahi anil munkar. On sait que le fait d'interdire un munkar ne doit pas engendrer un munkar qui est plus grand. Le fait d'interdire un mal, parmi les règles de nahi anil munkar, le fait d'interdire un mal ne doit pas provoquer un mal plus grand, comme c'est le cas dans le verset qu'on a cité. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Si tu insultes leur divinité, montrez l'adawa envers leur divinité. À la base, c'est quelque chose de bien. C'est une obligation. C'est millet Ibrahim. وَبَدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَةُ. Et que ce soit entre moi, nous et vous, entre les mouahidines et les mouchriquines, entre vous, l'adawa, l'inimitié ou le barda et la haine, حتى تؤمنوا بالله وحده, jusqu'à que vous soyez croyants, mouahidine. Donc le fait de le montrer à la base, ça fait partie de la religion d'Ibrahim. Comme le takfir d'ailleurs. Parce que le verset commence, إِنَّ بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, comme il a cité le shaykh, كَفَرْنَا بِكُمْ. Il a dit كَفَرْنَا بِكُمْ وَكَفَرْنَاكُمْ بِمَعْنَا وَحِدْ. Dans la langue arabe, qu'on dise kafarna bikum ou la kafarnakum ou akfarnakum, bima'na wahid, bima'na. Ça a le même sens. Donc il a commencé par le takfir. Il a commencé à leur dire, vous êtes des kuffars. Ensuite, il a dit, wa bada baynana wa baynakum al-adawat wal-baghda. Et que soit entre vous et nous, al-adawa wal-baghda, l'inimitié et la haine. Donc il a montré clairement dans leur visage l'inimitié, la haine et le takfir. Donc ça, ça fait partie de la religion d'Ibrahim. C'est pour ça que celui, quelqu'un qui dit que le takfir des mouchriquins, c'est la voie de l'Khawarij, des takfiriyins, des roulettes, et de l'irhabiyins, etc. Tous les noms. Rien qu'en ça, c'est ridda anil islam. C'est quelqu'un qui dit ça, il sort de l'islam rien que par cette parole, en disant que le takfir des mouchriquins, qu'Allah Jalla wa Ala, il a kaffar dans son livre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de suivre la religion d'Ibrahim, dans laquelle il y a le takfir, et il y a même le fait de montrer le takfir aux gens, c'est dire que ça fait partie de la religion de l'Khawarij, c'est un naqid en soi-même, un annulant d'islam en soi-même. Tout ça pour revenir sur le fait que la base, comme on a dit, « وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » La base, c'est croire que la personne qui commet le shirk akbar, le mujma alayh, sur lequel il y a ijma, croire qu'il est mushrik, kafir, qu'il n'est pas musulman. Quel que soit l'état dans lequel il est, qu'il soit savant, ignorant, nouveau en islam, pas nouveau, etc. Celui qui fait du shirk akbar, il ne peut pas être musulman. Il doit se repentir et revenir à l'islam. Croire qu'il est kafir et ensuite le détester pour son shirk. C'est pour ça que si on regarde encore une fois le verset de Surat al-Mumtahina, Kafarna bikum, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite d'abord quoi? Takfir. Kafarna bikum. Et après, l'adawa wal-baghda. Wabada baynana wa baynakum l'adawa tawla. Il a cité d'abord le takfir. C'est parce que la personne elle est kafira ou kafir qu'on va le détester. Donc en réalité, ce qui vient en premier, c'est le takfir. Croire que la personne elle est kafir. Mais se rajoute à ça, dans l'accomplissement, puisque c'est le sujet du chapitre, se rajoute à l'accomplissement du tawhid complet, ce qu'on appelle, ce qu'il a appelé ici le shir tahqiq al-tawhid, c'est le fait de s'écarter d'eux physiquement, comme dans les versets qu'il a cités, le shir qu'on a lu, فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دِي وَاعْتَزِلُكُمْ il cite la parole d'Ibrahim وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ etc. Donc c'est le fait de s'écarter physiquement et de ne pas vivre avec eux. Tout ça, ça rentre dans tahqiq al-tawhid. Donc les quatre sifat qu'il a cité, Allah subhanahu wa ta'ala concernant Ibrahim, kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku min al-mushrikin. Wa lam yaku min al-mushrikin. Ensuite, Allah le shaykh cite un autre verset. Il dit wa qawluhu wallazina hum bi rabbihim la yushrikun. Verset de Sourate Al-Mu'minun. Pour bien comprendre pourquoi le shir il cite ce verset-là ici, il faut lire les versets avant et après. Donc dans Sourate Al-Mu'minun, ça commence verset 57. Allah Jalla wa Ala yaqul Inna alladhina hum. Donc là, il cite, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite des caractéristiques aussi des gens, de ce qu'on appelle As-sabiquna bil khayrat. On se rappelle que, il me semble que c'est dans Surat Ghafir, qu'Allah Jalla wa Ala, il cite les trois catégories de musulmans qu'Allah il a choisi. Dit dans le verset où il dit ثُمَّ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِلنَّفْسِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc il a cité les trois catégories de musulmans qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a fait hériter le livre à ceux qu'il a élus parmi ses serviteurs. Donc des gens qu'il a élus, c'est-à-dire que tous ces gens-là sont des musulmans. Mais il y a plusieurs niveaux. Ceux qui ont réalisé la base du tawhid, asl al-tawhid ou asl al-iman, les a appelés al-zalim al-nafsi, bimadun al-shirk al-akbar. C'est quelqu'un qui commet du dhulm envers lui-même en commettant des péchés, mais qui ne commet pas le shirk akbar, ou du moins qui ne meurt pas sur le shirk akbar. Même s'il l'a commis, il s'en repent. Ensuite, on a le muqtasid, on a dit celui-là, c'est celui qui, en plus de réaliser la base, évidemment, il va faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné et s'écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. S'écarter d'une manière globale des péchés et faire les obligations. Et quand on dit ça, encore une fois, on va le répéter après, ce qui est voulu ici, c'est le fait de, quand on dit s'écarter des péchés, c'est pas le fait de pas en faire du tout, c'est le fait de ne pas rester sur un péché. Mais c'est le fait de s'en repentir. Et ensuite, on a « al-sabiq bil-khayrat », donc celui-là, c'est celui qui, en plus de ça, rajoute le fait de faire ce qui est surérogatoire, ce qu'on appelle « mandoub », qu'on appelle sunnah ou ce qu'on appelle mustahab, et de délaisser ce qui est détestable, blâmable, le makro ou le makro. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets-là de Surat al-Mu'minun, il décrit certaines sifat de la troisième catégorie, c'est-à-dire sabr bil khayrat, ceux qui réalisent vraiment un tawhid complet et encore plus que complet puisqu'ils réalisent des actes qui ne sont pas obligatoires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala commence à les décrire, il dit innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Il les décrit en disant ceux qui ont peur de leur Seigneur. Ceux qui craignent leur Seigneur. Wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Et ceux qui croient dans les signes de leur Seigneur, c'est-à-dire dans les signes qu'il soit ce qu'on dit kauniyah, donc ce qui concerne les signes d'Allah Jalla wa Ala dans sa création, ou shar'iyya, c'est-à-dire les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa législation, l'ayat du Coran, etc. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Ici, c'est ce qui nous intéresse dans ce chapitre-là. Et ceux qui ne commettent pas de shirk, ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, et on va voir après وَجَلِ اسْتِدْلَلْ. Comment on tire de ce verset-là que, parce qu'à la base, ne pas commettre de shirk, ça concerne aussi Asleddin. On sait que celui qui commet le shirk akbar, comme on l'a dit avant, il n'est pas musulman. Il n'a pas réalisé la base de l'islam. Donc, qu'est-ce que il y a de plus concernant celui qui est celui qu'on appelle Sabiq bil Khayrat? Qu'est-ce qu'il fait de plus? Le Muhashi va le citer après, il va l'expliquer après. Dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Et ceux qui donnent وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا, et ceux qui donnent, Allah alam, vérifie le tafsir, vise sadaqa ou l'infaq. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَّا رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, et leurs cœurs sont emplis de peur, craignent le fait qu'ils reviennent vers leur Seigneur, que ce qui leur fait peur, c'est de revenir vers, qu'ils savent qu'ils vont revenir vers leur Seigneur et qu'ils seront jugés. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Donc là, on voit qu'il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, de As-Sabiqoun, ce qu'on appelle As-Sabiqoun bil Khayrat. Il dit, ce sont ceux-là qui s'empressent vers les bonnes œuvres et qui se concourent dans les bonnes œuvres. C'est-à-dire qui essayent d'en faire plus que les autres, qui essayent de dépasser les autres. Encore une fois, ici, en faisant des choses qui ne sont pas obligatoires. Donc, Al-Muhashi dit concernant ce verset, « Wasafa al-sabiqin ila al-jannah ». Donc là, on parle bien de la troisième catégorie de croyants qu'on a cité avant. « Wasafa al-mu'minina al-sabiqin ila al-jannah » فأثنى عليهم بهذه الصفة الحميدة فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي خائفون وجلون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il décrit donc cette catégorie de croyants, donc qui est la catégorie qui a le rang le plus élevé, donc qui sont السابقون بالخيرات. Et il cite entre autres le fait qu'ils craignent leur Seigneur. Ils ont peur, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Il dit أَيْ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِهِ الْكَوْنِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ ثُمَّ طَبَعَ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ بِطَابِعِ الْإِخْلَاصِ. Donc, dans ce verset-là, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ, ceux qui croient dans les signes de leur Seigneur, les signes, kawniya, c'est-à-dire les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shar'iyya, al-ayat al-shar'iyya, les versets du Coran. Et on peut rentrer la sunna, puisque ça fait partie de l'wahi. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il termine par quoi? Par l'ikhlas. En disant, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Il dit وَهُوَ السَّلَامَةُ, هذا هو السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. Donc le shirk, il prend du verset que c'est le fait d'être exempt de tout shirk, de toute forme de shirk, qu'il soit en petite quantité, en grande quantité, ou que ça soit du shirk asghar ou du shirk akbar. Et comment on tire ça du verset? Donc ça, c'est en se basant sur une règle de langue arabe dont on a déjà parlé. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَيُشْرِكُونَ. لَيُشْرِكُونَ, يُشْرِكُونَ, c'est un verbe مُضَارِح. C'est un verbe mudari. On sait que le verbe, il indique deux choses. Il indique une action qui se déroule à un temps. On a un autre mot qui s'appelle al-masdar. Al-masdar, c'est un nom qui indique une action, mais qui n'est pas lié à un temps. Comme ici, le masdar du verbe ashraka, ashraka yushriku, le masdar c'est ishrak. Ishrak. Ishrak, c'est un nom qui indique le fait d'associer. Mais il n'est pas lié à un temps. Yushirikun, c'est lié à un temps présent ou futur. Donc c'est le fait d'associer maintenant ou dans le futur. Yushirikun. Et la règle dans la langue arabe, c'est que le verbe mudari', les ulama ils disent munsabikuna bi masdar, c'est-à-dire que le verbe mudari', il englobe le sens du masdar. Et le masdar, à la base, dans la langue arabe, le masdar, il est nakira. Masdar Nakira. Si on regarde dans tous les qawamis ou le ma'ajim de langue arabe, dans tous les dictionnaires, tu vas trouver par exemple le verbe ashraka. Il va te dire dans le mad sharaka, ashraka yushriku, il va te citer le masdar, il va dire ishraken. Ishraken. Il va pas dire le masdar el ishraku. Il va te dire masdar ishrak. Ishraken. Ashraka yushriku, ishraken. Le masdar, il est nakira. Les ulama, ils disent, le masdar, il est nakira. Donc ici, on se retrouve avec un nakira fi siyaq an-nafi. C'est-à-dire, on a un mot indéfini qui est dans un contexte négatif. وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُشْرِكُونَ. Et on sait que la règle de usul, basée sur la compréhension de la langue arabe, que un nakira fi siyaq an-nafi yufid al-umum. Ou tufid al-umum. C'est-à-dire qu'un mot comme le masdar, donc le verbe ici, il a le statut du masdar, il est nakira. Ibn Taymiyyah, il parle de ça aussi dans certaines paroles, où il dit que le verbe, il est nakira. Le verbe, il est nakira. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un mot indéfini dans un contexte négatif, et ça a le sens de la globalité, le umum. Donc on dit « la yushirikun wal-lazina hum rabbihim la yushirikun, la yushirikun » لا يشركون أي شيء في أي نوع من الشرك. Il n'associe rien, que ça soit de petits shirk, de grands shirk et de quelle que soit n'importe quelle sorte de shirk que ça soit. Ça c'est une compréhension par la langue arabe. Bien que ici, comme on l'avait déjà dit, on peut pas tout le temps utiliser, ou du moins on peut pas comprendre tous les versets avec cette règle. En utilisant cette règle de langue arabe. Des fois, on doit faire devancer soit ce qu'on appelle al-haqiqa al-shar'iyya, Allah subhanahu wa ta'ala, si on suit ce qu'on appelle le tatabbu' ou l'istiqra, si on suit le Coran, on va trouver que quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle du shirk dans le Coran, ce qui est voulu c'est l'akbar. Ça on le sait par ce qu'on appelle le tatabbu' ou l'istiqra. Le shirk quand il est évoqué dans le Coran, c'est l'akbar. D'ailleurs, les compagnons à la base, quand on leur parlait du shirk, pour eux c'est l'akbar. Comme on le verra dans le hadith dans Bab al-Khawf, al-Khawf min al-Shirk, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, il dit In akhwafa ma akhafu alaykum al-shirk al-asghar. Quand il a dit « shirk al-asghar », les compagnons ont dit « envoyé d'Allah, c'est quoi ça ?»« Shirk al-asghar », c'est quoi ? Et il a dit « al-riya » ou « yassir al-riya » « al-riya », l'ostentation. Donc ils l'ont questionné sur le shirk al-asghar. À la base, pour eux, le shirk, c'est le shirk, c'est l'akbar. Donc ça, c'est ce qui est connu dans le Coran. Quand on suit le Coran, ce qu'on appelle le tatabbu' ou l'istiqra, c'est que ce qui est voulu dans le Coran, les ulama ils appellent ça aussi adatul Coran. Ça c'est une règle dont on avait parlé aussi qui est importante, c'est que quand un mot il revient à plusieurs reprises dans le Coran et qu'il a toujours le même sens, on n'a pas le droit de lui donner un autre sens que celui qu'on a l'habitude de comprendre, le sens qu'on a l'habitude de comprendre de ce mot-là dans le Coran. Ça c'est ce qu'on retrouve dans le kufr ou le shirk. Adatul Qur'an, c'est que le kufr ou le shirk, ce qui est voulu dans le Qur'an, c'est l'akbar, c'est pas l'asghar. Et par exemple, cette règle-là qu'on a citée là dans ce verset-là, on peut pas l'utiliser tout le temps. Comme par exemple, quand Allah dit « وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أنه من يشرك بالله. C'est exactement la même chose. Là on a يشرك, donc on a فعل مضارع نكرة في سياق الشرط. في سياق الشرط, dans un contexte de condition, une phrase de condition. من يشرك, on a pareil, la règle de أصول elle dit النكرة في سياق الشرط يفيد العموم. Le verbe mudari' dans un contexte de condition, il est yufid al-umum, on comprend la globalité. Pourtant ici, clairement, on peut pas comprendre que ça englobe le shirk al-akbar et le shirk al-asghar. Puisque dans le verset, le sens c'est quoi? Annahum man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Si on dit que celui qui commet le shirk al-asghar, Allah jalla wa ala lui interdit le paradis. Ça c'est batil. C'est faux, bilijma. Celui qui meurt sur le shirk, qui n'a pas commis le shirk al-akbar, et qui meurt sur le shirk al-asghar, il rentre au Jannah, même s'il doit être châtié avant, ma'aluhu ila al-Jannah. Donc on ne peut pas toujours comprendre les versets en suivant cette règle-là. Et c'est pour ça aussi, c'est sur cette. Faut savoir qu'il y a un khilaf. Il y a un khilaf concernant est-ce que le petit shirk est pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des ulama, Ibn Taymiyyah, il a plusieurs paroles, mais dans une de ses paroles, il dit que non. C'est-à-dire que quand Allah jalla wa ala dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Si on se base sur ça, Ibn Taymiyyah, il utilise cette règle-là de langue arabe qu'on vient de voir. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, la yaghfiru an yushraka bihi. Yani la yaghfiru ishrakan, an yushraka an masdariya, an yushraka, on appelle ça ta'wil masdar, on peut le remplacer an et le verbe mudari' par le masdar. Ça fait inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi. Là, c'est pareil, on a ishrak al-nakira fi siyaq al-nafi. La yaghfiru. La yaghfiru ishrakan. Et donc il rentre là-dedans, ishraqan nakira fi siyaq an-nafi, il fait de l'umum. Ça comprend l'akbar ou l'asghar, shirk al-akbar ou shirk al-asghar. Ça veut dire que c'est avec cette compréhension là, Allah il pardonne pas les shirk al-asghar. Par contre, ceux qui ont dit ça, même sur cette parole-là, ne disent pas que la personne elle va demeurer éternellement au feu, mais elle sera forcément châtiée pour ce péché-là. Ça ne rentre pas tahta al-mashia, comme un autre péché. Et c'est de là aussi que les ulama ils disent que le shirk al-asghar, c'est plus grave que le zina, que le shirb al-khamr, que le zina, que le riba, que les autres péchés. Parce que sur cette compréhension-là, le shirk al-asghar, il ne rentre même pas tahta al-mashia. Il est pas sous la, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne pas à la base. Alors que les autres, le khamr, le riba, ou le qatl, ou d'autres choses, Allah jalla wa ala, il est tahta al-mashia, s'il veut, il pardonne. Donc cette règle, elle est importante. Cette règle, elle est assez importante à retenir. C'est une règle, évidemment, c'est une règle de usul, mais on sait que le usul, il est en grande partie basé sur la compréhension de quoi? De la langue arabe. Mais encore une fois, on peut pas l'utiliser. Comme on l'a vu dans le verset de Surat Al-Ma'ida, Ya Bani Israël, U'budu Allah Rabbi wa Rabbakum, innahu man yushrik billah. Ici, ce qui est voulu, ici, man yushrik billah, c'est clairement le shirk al-akbar. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, man yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi al-jannah. Ça ne peut pas être l'asghar qui est visé. En tous les cas, nous, ces règles-là, elles sont importantes dans la compréhension du Coran. Comme on a dit, il y a ce que les ulama ils appellent adat al-Qur'an, le fait qu'un mot, lorsqu'il vient de manière répétitive dans le Qur'an et qu'il a toujours le même sens, les ulama ils ont appelé ça adat al-Qur'an, l'habitude coranique. Ce mot-là, il a toujours ce sens-là, je n'ai pas le droit à un moment d'aller lui donner un autre sens, même si le sens que je lui donne, il est juste dans la langue arabe. Mais je dois respecter l'adat al-Qur'an. De la même manière, on doit aussi respecter le contexte, as-siyaq. As-siyaq. On doit respecter as-siyaq, le contexte. On n'a pas le droit de donner un mot, ça on l'avait vu dans le wasitiyah avec le sifat, le yad, etc. On n'a pas le droit de donner un mot, un sens, même s'il est juste dans la langue arabe, s'il ne convient pas au contexte dans lequel ce mot vient, dans le verset. Donc c'est, en tous les cas, c'est comme ça qu'il tire ou l'istidlal avec ce verset-là, il se fait comme ça. La yushrikun, la l'akbar, la l'asghar, wa la qalil, wa la kathir. Dit là, je continue avec la parole de l'muhashi, la ya'buduna ma'a ghayrahu. Bal yuwahidunahu, وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ النِّهَايَةَ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ الْمُوجِبِ لِلدُّخُولِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Donc celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière-là, c'est-à-dire en s'écartant de toute forme de shirk, alors celui-là, c'est lui qui mérite l'entrée au paradis sans jugement. وَمَنْ لَا فَلَا. Et donc celui qui n'a pas réalisé un tawhid de cette ampleur-là, de ce degré-là, lui non, il sera jugé. Et c'est la différence entre al-muqtasid et al-sabiq bil-khayrat. Al-muqtasid, lui certes, il n'a pas insisté dans le péché, mais il n'a pas fait de mustahabbat, il n'a pas fait des actes surérogatoires, il n'a pas laissé les actes blâmables. Et donc celui-là, il rentrera au paradis sans châtiment. Bila azab, walakin yuhasab. Il rentrera au paradis sans châtiment, mais il sera jugé. Alors que as-sabiq bil khayrat, celui qui a rajouté le mustahabbat, qui a délaissé le makrouhat, celui, il rentre, même, mais il est carrément même pas jugé. Rien, direct. Dit wadhalik. Et ça, comme c'est indiqué dans le verset, c'est le délaissement total du shirk. Quelle que soit sa forme, bon, qu'il soit akbar, ça c'est clair, puisque sinon il n'y a pas d'asleddin, mais même le shirk asghar, et quelle que soit la forme du shirk. C'est ça, shirk par les intentions, les niya, l'ostentation, ou le shirk, ce qu'on appelle aussi shirk al-alfad. Masha'Allah wa shirk. etc. ومن لا فلا وذلك لأن الأعمال من حيثه لا تصح مع الأكبر. Voilà, il nous rappelle que de toute façon, on sait qu'avec le shirk al-akbar, on sait qu'avec le shirk al-akbar, toutes les actions sont vaines. La validité d'un acte ou d'une parole, même si elle est légiférée, elle est conditionnée par quoi ? Par l'islam, par l'iman, par le tawhid. S'il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas d'acte. Aucun acte n'est valable. Pour ça que le kafir, yawm al-qiyama, comme on l'avait vu dans le wasitiya, il ne passera pas par la balance. Parce qu'à la base, il n'y a rien à mettre dans le plateau des bonnes actions. Na'audu billah. Il n'y a rien à mettre dans le plateau des bonnes actions. Il n'y a aucune action qui est valide. فإن سلم من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصغر. Il dit même s'il est exempt de shirk akbar, donc la base de son islam est valide, il dit que les actes ne sont pas valorisés avec la présence de shirk al-asghar. D'une manière globale, le shirk al-asghar, de toute façon, il annule l'action dans laquelle il a été mélangé. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui commet de l'ostentation lors d'un acte d'adoration, cet acte d'adoration, donc même si ça ne le fait pas sortir de l'islam, c'est la grande différence avec le shirk al-akbar, mais ça va annuler son action. Donc si c'est une prière, ça annule sa prière, etc. Et comme on l'a dit avant, c'est un sujet dans lequel les ulama ont divergé, mais ça peut compter comme un grand péché, même s'il est plus grave qu'un autre, ou ça peut même ne pas être pardonné dans le sens où la personne sera châtiée pour ce péché-là. Donc ça, c'est concernant le shirk al-asghar. Rajouter un petit point, wassalamatu, donc ça c'est une remarque supplémentaire, wassalamatu min an-naw'ayn tamna'u min al-israr 'ala al-ma'asi aslan. Non. Ici aussi il faut remarquer, comme on l'avait déjà dit, que celui qui réalise un tawhid complet, c'est-à-dire un tawhid qui lui permet d'être exempt de tout shirk, Asghar, Akbar, en petite quantité, en grande quantité. Ça, à la base, c'est quelqu'un, comme on l'avait dit, qui, son cœur est rempli d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour-là, cet amour pour Allah et cet amour pour l'obéissance, Allah azza wa jal, il la fera toujours devancer sur les péchés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui va insister dans le péché. Même s'il commet un péché, il ne va pas insister parce que son amour pour l'obéissance à Allah Azza wa Jal, il va le faire devancer. Il va le faire devancer et il va se repentir. Et donc c'est quelqu'un à la base qui ne va pas mourir en persistant dans le péché. C'est quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés. Donc il a accompli ce tawhid-là complet et il n'a pas de péché avec lui, ou très peu. Et c'est pour ça qu'on avait dit, et ça c'est la différence entre celui qui persiste dans le péché et celui qui ne persiste pas et qui se repent. Celui qui persiste dans le péché, celui-là, c'est qu'il a un défaut dans son cœur. Et il a un manquement dans son amour pour Allah Jalla wa'ala. Parce qu'il va insister, il va persister dans ce péché-là, et ça montre que son cœur, il a aimé ce péché-là. Et il fait devancer le fait de faire ce péché-là, l'amour pour ce péché-là, il va le faire devancer sur son amour pour l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et sur le délaissement de ce péché-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les ulama, des fois, ils font rentrer les péchés dans ce qu'ils appellent jins et shirk. Jins et shirk, pas shirk, mais jins et shirk. Pourquoi ? Parce que c'est le fait de faire devancer son amour pour ce péché-là sur son amour pour l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ça touche à l'oubudia, à l'amour pour Allah Azza wa Jalla. Son amour pour Allah, il est tronqué. Et il fait devancer son amour pour ce péché-là sur son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne un autre exemple, quelqu'un par exemple qui ne donne pas la zakat. On va prendre la parole des ulama qui disent que le fait de ne pas donner la zakat, ça ne fait pas sortir de l'islam, en sachant qu'il y a des salafs qui disent que c'est un aqd, minna waqd al-islam, comme la prière. Mais en admettant que ce n'est pas un annulant de l'islam, il y a des gens qui disent que le fait de ne pas donner, il y en a qui ne donnent pas la zakat par amour, il est radin, il aime tellement l'argent qu'il ne veut pas lâcher la zakat. Et en fait, son amour pour l'argent, il va faire dominer son amour pour l'argent sur son amour pour l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça reste un péché, mais il y en a, il faut rentrer ça dans ce qu'on appelle jins et shirk. Parce que il est asservi à cette chose-là qu'il aime. Et cet amour-là qui voue à cette chose qu'il aime, ça diminue et ça tronque son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelque chose du shirk dans l'amour qui n'atteint pas évidemment le grand shirk. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait rentrer certains ça dans jins al-shirk. Dans jins al-shirk. Non. Ensuite, le cheikh, il cite un long hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, qui est rapporté dans Sahihayn. Même si l'alphaz, les mots du hadith, il diffère un peu, comme on va le voir, dans le Bukhari Muslim. Pas exactement les mêmes mots dans le hadith, mais c'est un hadith qui est rapporté par dans le Bukhari Muslim. Et donc il dit عن حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند السعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في الصلاة ولكني لودخت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه شعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحسيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فقاد الناس في أولئك فقال بعدهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعدهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. Donc, long hadith. Donc, c'est le hadith justement des 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement et sans châtiment. Donc, le hadith An Hussein ibn Abdurrahman. Donc, il nous dit Rahmahullah. نعم هو ابن عم منصور وابن عم منصور ابن المعتمر ابن عبد الله بن ربيعة وقيل ابن عتاب ابن فرقد السلمي أبو الهذيل والسلمي السلمي أبو الهذيل الكوفي أحد الأعلام ومن كبر أصحاب الحديث الثقة روى عن جبير وعمار والسعيد بن جبير وغيرهم وعنه شعبة والثوري والجماعة متى سنة 36 بعد المئة وله 93. Donc ça c'est un tabi'i. Et c'était l'élève de Saïd ibn Jubayr, qui lui-même était un tabi'i aussi. Allahu alam si Hussein, si c'est un tabi'i encore ou si c'est min adba'i tabi'i. Bon, et donc il cite son nom. Ibn Ammi Mansour, fils de Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'a, où on dit que c'était plutôt Ibn al-Attab, Ibn Farqad al-Sulami, Abu al-Huzayl al-Kufi, qui était en Irak à Koufa, donc parmi les grands savants et parmi les savants du Hadith, c'était quelqu'un qui était fiable et thiqa fi al-Hadith, il a rapporté de Jabir, donc on voit à partir du moment où il a rapporté de Jabir. Allahu alam si c'est al-Sahabi, donc c'est que c'est un tabi'i. Ou Imara de Sa'id ibn Jubir, comme dans ce hadith-là, et d'autres. Et on rapportait le hadith de lui, Shu'ba, ou Thawri, et d'autres. Il est mort donc en 136 de l'Hégire, et il avait 93 ans. 93 ans, subhanallah, il est mort vieux lui aussi. Beaucoup d'entre si on regarde, subhanallah, dans les... Si on regarde dans les tarajim des sahaba, des tabi'in et tout, beaucoup d'entre eux sont morts très vieux. Subhanallah. Donc, قال كنت عند سعيد ابن جبير. Sa'id ibn Jubir, un des plus illustres élèves de Abdullah ibn Abbas et un des plus savants parmi les tabi'in dans le tafsir du Coran. وهو ابن هشام الوالي بالأسدي مولاهم أبو محمد الإمام الفقيه وكان من جلة أصحاب ابن عباس روى عن وعن بن زبير وغيرهما وعنه ابناه عبد الملك وعبد الله وابو إسحاق ويعلى والجماعة قتل بين يدي الحجاج سنة 95 سنة 95 فما أمهله الله بعده ولم يذوق غمدا حتى مات ورؤيا في المنام فقيل لا ما فعل الله بك فقال قتلت بكل قتيل قتلته وقتله قتلت بكل قتيل قتله وبسعيد بن جبير 70 قتلا. Donc Sa'id ibn Jubir, il s'appelait Ibn Husay ibn Hisham, fils de Hisham, al-Walibi al-Asadi. À partir de Mawali al-Asad, Bani al-Asad, Abu Muhammad al-Imam al-Faqih, un grand savant de l'Islam. Wa kana min jillat ashab ibn Abbas. Il faisait partie des grands élèves de Abdullah ibn Abbas, et comme on a dit, un des plus grands commentateurs du Coran. On trouve beaucoup ces paroles dans les tafsirs des ulama qui ont ramené les athars des sahaba et des tabi'in, comme Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Kathir et d'autres. Donc il a rapporté d'Ibn Abbas, d'Abdullah ibn Zubayr et d'autres. Et de lui ont rapporté ses deux fils, Abdel Malik et Abdullah. et Abu Ishaq, Wayala et d'autres, et c'est le Hajjaj ibn Yusuf, donc le gouverneur connu pour ses méfaits, qui l'a tué. Et il est dit que, Allah alam, j'ai déjà entendu ça, je ne connais pas l'authenticité, mais que Saïd, comme c'est la sunna, il a demandé al Hajjaj de faire 2 raka'a avant d'être exécuté. Et dans ces 2 raka'a, il aurait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, donc de ne plus lui permettre de laisser le Hajjaj de tuer un musulman après lui. Et comme il le dit ici, après l'avoir exécuté Saïd ibn Jubir, il est mort peu de temps après. Et il n'était pas vieux. Le Hajjaj, je crois qu'il avait 40 et quelques. Il n'était pas vieux. Et il était connu pour être un tyran, quelqu'un qui était Safak al-Dima, qui tuait les gens facilement. Et c'est pour ça que, on va lire la suite de ce qu'il dit. Il y en a qui ont rapporté donc qu'il a été vu en rêve. Il y en a qui l'a vu en rêve. Et qui lui a posé la question, qu'a fait toi Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire, il pose la question à l'Hajjaj. Il voit l'Hajjaj en rêve, il lui dit, qu'est-ce que Allah il a fait de toi? Et il dit, j'ai été tué pour chacun d'entre des gens que j'ai été tué une fois. Mais pour Saïd ibn Jubir, j'ai été tué 70 fois. Allahu alam, l'authenticité de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les salafs, ils ont divergé sur la mécréance de l'Hajjaj ibn Yusuf. Il y en a qui l'ont kaffar, il y en a qui ne l'ont pas kaffar. Et parmi ceux qui l'ont kaffar, il y a Saïd ibn Jubir et d'autres, ils sont sortis sur lui. C'est-à-dire, ils ont essayé de l'anéantir pour mettre en place un hakim musulman. Puisque à leurs yeux, il était kafir. Donc ici, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que le fait que Saïd et d'autres parmi les tabi'in aient considéré le Hajjaj ibn Yusuf comme étant kafir, qui sont sortis sur lui, qu'ils ont essayé de le faire tomber pour le remplacer. Personne parmi ceux qui les a contredits les ont traités de khawarij, les ont traités de gens qui sortent sur les gouverneurs, de gens qui ont de l'exagération, etc. Pourtant, ils n'étaient pas d'accord avec eux sur son takfir. Et pourtant, personne les a traités ainsi. Parce qu'ils savent que eux, que Saïd et d'autres, l'ont considéré kafir sur des bases. Ils l'ont considéré kafir, et c'est pour ça qu'il était légitime pour eux de le faire tomber. Et donc, sur cette base-là, le maximum qu'on puisse dire, c'est dire qu'ils se sont trompés en disant qu'il était kafir, et que ce qu'il a fait n'atteignait pas le kufr. Et qu'il fallait pas sortir sur lui pour cette raison-là. Mais à partir du moment où eux, ils ont vu le kufr en lui, ils ont estimé légitime qu'ils avaient la force, qu'ils avaient le pouvoir pour le descendre, et c'est ce qu'ils ont fait. Et personne les a traités de khariji, de gens qui sortent sur les gouverneurs, etc. Et personne n'a dit d'une autre part qu'il est interdit à ce moment-là. Personne n'a dit qu'il est interdit de sortir sur le gouverneur. Personne n'a dit ça chez les autres. Par contre, les autres n'ont pas vu sa mécréance. Donc le sujet, il est là. Donc ceux qui disent aujourd'hui qu'il ne faut pas sortir sur les gouverneurs, quelle que soit la condition, etc., il faut leur demander que ceux qui sortent sont des khawarij, sont des terroristes, etc., il faut leur demander comment ils jugent l'action de Saïd ibn Jubir Rahmatullah alayhi et des autres tabi'in qui étaient avec lui lorsqu'ils sont sortis sur Al-Hajjaj ibn Yusuf. Non. Donc ça c'est concernant Saïd. Ensuite, قال كنت عند سعيد ابن جبير. Donc ça c'est Hussein ibn Abd al-Rahman qui est l'élève de Saïd. Donc ils étaient chez leur cheikh Saïd ibn Jubair et il raconte donc cette histoire. Il dit فقال, c'est-à-dire Saïd, أيكم رأى الكوكب الذي قد البارحة? Qui d'entre vous a vu l'étoile donc qui a disparu la nuit dernière, ou l'étoile filante? Plutôt ça c'est une étoile filante, mais après qui a explosé dans le ciel, qui est passé dans le ciel. أي كوكب رجم به تلك الليلة. أي كوكب رجم به تلك الليلة. C'est-à-dire que c'est une étoile, Allahu alam, une étoile filante qui est passée, et on sait que dans la croyance des musulmans, que comme ça vient dans le Coran, qu'Allah jalla wa ala, il utilise les étoiles filantes, shihab, shuhub, pour chasser les djinns qui essayent de voler la parole au ciel le plus bas, comme on le verra dans les chapitres suivants. Les djinns, donc, qui travaillent avec les devins, avec le marabout, etc., ils essayent de voler la parole qui est transmise entre les anges pour après la révéler à leurs devins. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les chasse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les chasse en utilisant shihab, shuhub. Un instant. Non, donc toujours avec notre hadith. Donc, « Aïe kawkaban rujima bi tilka al-layla. Aïe kumra al-kawkab al-lazin qadda al-bariha. » Donc, shihab, l'étoile filante qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise pour chasser les djinns qui essayent de voler la parole au ciel le plus bas, c'est-à-dire la parole révélée entre les anges. Parole qu'Allah il a révélée. Avec les anges se passent les uns les autres. Donc ils essayent de l'entendre pour la faire passer à leur qarin, le devin avec qui ils travaillent. Dit Walqail huwa Sa'id ibn Jubair. Donc ça c'est la parole de la question, en fait c'est une question de Sa'id qui pose à ses élèves. Walqawkab al-Najm. Kawkab c'est une étoile, Najm. C'est-à-dire l'étoile filante qui a fusé et qui a disparu après. والبارحة هي أقرب الليل مضت. قال ثعلب وغيره يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة. البارحة c'est un mot qu'on utilise pour parler de la nuit précédente. Mais si on est avant Zawal, c'est-à-dire si on est à cette heure-là maintenant, ou chez moi, oui, on est avant Zawal ici, c'est-à-dire avant la prière de Dor, on va dire pour la nuit qui précède, on l'appelle Layla. Si on est après Dor, si on veut parler de la nuit qui a précédé, on dit le Bariha. وَهِيَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ بَرِحَا إِذَا زَلْ. Et donc c'est un mot dérivé du verbe Bariha إِذَا زَلْ, c'est-à-dire le fait de s'arrêter, de disparaître. C'est dérivé de ce mot-là, de ce verbe-là. Diwafi fadiratu salaf. Wannama yarawnahum nal ayat al-samawiyati layyaudunahu hadatan. Bal ya'lamun annahu ayatun min ayatillah. Il dit là, on a un mérite des salaf, c'est que lors de leur observation des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers, donc ici il s'agit d'une étoile filante, ils savent que c'est pas quelque chose comme les kuffars y pensent, quelque chose de normal, d'habituel, une chose comme une autre, mais ils savent que c'est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prenaient tout en considération et ils mettaient en pratique tous les versets où Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande d'observer sa création. فَقُلْتُ أَنَا, c'est-à-dire là c'est Hussein qui parle, donc qui dit فَقُلْتُ مُوَا أَنَا أَيْ قَائِلَ حُسَيْنِ إِبْدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنَا رَأَيْتُ. Hussein dit moi je l'ai vu, et tout de suite il enchaîne derrière en disant أَمَّا إِنِّي لَمَا كُنَ فِي الصَّلَةِ وَلَكِنِّي لُوْدِرْتِ. Donc Hussein il dit ouais mais je l'ai vu mais je n'étais pas en train de prier. نعم يدي خاف أن يظن الحاضرون أنه رأى الكوكب المنقض وهو يصلي فنفع عن نفسه إيهام العبادة وهذا يدل على حرص السلف على الإخلاص وأما C'est pas Amma, c'est Amma bit Takhfif. Harf istifham bimanzilati ala. فَإِذَا وَقَعَتَ إِنَّ بَعْدَهَا كُسِرَتْ أو الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء أي أذلك شيء حاكمك آيسي أي أذلك أذلك فذلك أذلك أي أذلك شيء حق وعلى هذا تفتح أن بعدها والأنسب هنا الأول voici nous parle du mot Amma. Amma, pas Amma, Amma bit Takhfif. Donc c'est une préposition qu'on utilise pour poser une question. Il y en a qui disent que c'est pour l'istiftah, comme Ala. Ala, Ala, Kaza wa Kaza, c'est harf istiftah, pour ouvrir la parole, pour commencer une parole. Et si on a Inna qui vient après, وَأَمَّا إِنِّي أَمَّا إِنِّي لَمْ أَكُنْ إِنِّي le Hamza il a une kasra comme c'est le cas ici أَمَّا إِنِّي نعم il dit أَوِ الْهَمْزَ لِلِسْتِفْهَمْ وَمَا إِسْمٌ بِمَعْنَ شَيْءٍ ou alors le A il a le sens, c'est le Hamza al-Istifhamiyya, pour poser une question. Et Ma, il a le sens de Shay. Et donc, ça aurait le sens, Adhalika Shay Haq, serait une question. Voilà, il y a un khilaf sur le. Il dit que le plus juste, c'est le premier. Donc, ce serait ce qu'on appelle Harf Istiftah. Donc, c'est une préposition qu'on utilise dans la langue arabe pour ouvrir une parole. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لودرت. إذا بضم اللام وكسر الدال لودرت. مبني للمجهول. يقال لدغته الأقرب وذوات السموم تلدغه لدغا ولسعته ولسعته لسعته لدغا لسعته يعني تلد الverb c'est لدغته العقرب وذوات السموم تلدغه لدغا là on voit que le masdar il est nakira vous voyez avant on disait que le masdar il l'évoque toujours nakira regarde là par exemple le verbe لدغه تلدغه لدغا لدغا ça c'est le masdar لدغا il est nakira on voit il a le tanwin لدغا c'est ça qu'on dit toujours le masdar nakira. Et s'il est dans un contexte de condition ou de négation, nakira fi siyaq al-sharf, fi siyaq al-nafi, fi siyaq al-nahy. Tout ça, on sait que ça donne le sens de la globalité, l'umum, comme on l'a vu dans les versets précédents. Ça a le sens de la sa'athu. Ay asabathu bi summiha. Walladru wallas'u wallasbu bi ma'na. Aw al-lasah bi nab walladr bil fam. يعني فأوجب لي اللدغ الاستيقاظ لا أني كنت أصلي. Donc le verbe ladara en fait c'est le fait d'être mordu ou piqué par un insecte ou par ici il dit ladara de l'aqrab. L'aqrab c'est scorpion, donc il y a un scorpion qui l'a piqué ou mordu. Donc on dit soit, on peut dire l'adr ou l'esh ou l'esb. Tout ça, c'est des mots qui ont à peu près le même sens. C'est le fait de mordre, c'est tous les insectes ou les qui ont du venin et qui mordent ou qui piquent. Soit donc qui mordent avec la bouche ou qui piquent avec un comme le scorpion. Donc il a été piqué ou mordu par une bête comme ça. Et ça l'a réveillé. En gros, il explique pourquoi il était réveillé. Qu'il n'était pas réveillé parce qu'il était en prière de nuit, tahajjud, mais il a plutôt été réveillé par cette cause-là. Donc, il dit ici, comme il l'a dit avant, et d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais il a tout de suite dit, après avoir dit, moi, je l'ai vu, il a tout de suite dit que le fait qu'il soit réveillé, c'est pas qu'il était en salat, mais c'est qu'il a été piqué par un scorpion ou quelque chose d'autre qui ressemble à ça, et pour tout de suite dégager de lui, pour pas que les autres pensent qu'il était en prière. Donc là on voit l'ikhlas chez les salafs, et comment il s'écartait de l'ostentation. Même si c'est à la base quand il dit ça, et même s'il avait dit « Anna, moi je l'ai vu ». Clairement, il aurait pas dit en faisant de l'ostentation, mais pour encore se dégager encore plus, qu'on puisse penser qu'il était à ce moment-là en prière, il l'a dit. Donc, « Hirs al-salaf ala l'ikhlas ». Salaf, c'est comme ça, il s'écartait de l'ostentation même quand il n'y en avait pas. Non. Ensuite, il dit, قال فما صنعت. سعيد ابن جبر il dit à son élève Hussein, il dit, il t'a fait quoi? Il lui dit, il a été piqué par un animal venimeux, un scorpion ou autre. Il dit, mais il t'a fait quoi? Il a dit, love the Muslim. Donc, il y a la réponse aussi. Qultu irtaqayt. Donc, t'as fait quoi? Il dit ici, irtaqaytu bima'na istarqaytu. Ici le verbe irtaqa, il a le même sens que istarqa. Istarqa, c'est-à-dire talab ar-ruqya. Ou ça a le même sens ici. Qu'on dise irtaqa, ou d'ailleurs on va voir après, il dit wa lafz muslim istarqaytu ay talabtu man yaraqani. Jayyid. Donc ici, ifta'ala ou istaf'ala, ça a le même sens. Donc il a dit irtaqayt, c'est-à-dire que Hussein, il a, quand il s'est fait piquer, Saïd, il lui a demandé, qu'as-tu fait? Il a dit, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait me faire une ruqya. Une ruqya pour soigner ça. Donc c'est le sens ici de irtaqaytu, qu'on dise irtaqaytu ou istarqaytu, ça a le même sens. Talabtu man yarqani, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait me faire une ruqya. Il dit qal fama hamalaka ala dhalik, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Il lui dit son shir Saïd. Il dit sa'alahu, donc le muhashi il dit sa'alahu an mustanadihi fi fi'alihi hal kana muqtadiyan awwalan ففيه طلب الحجه على صحه المذهب. Donc il lui a demandé qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça. Donc là il dit que il lui a demandé en fait quoi son dalil. Sur quoi tu t'es basé pour faire ça? Sur quoi tu t'es basé pour chercher un raqi? Est-ce que tu t'es basé sur quelque chose, le Coran, la Sunna, sur un texte, sur quelque chose ou non? Et donc là on a un dalil que les salafs, il demandait aux gens sur quoi s'appuyaient-ils pour dans leur manière d'agir ou dans leurs paroles. Est-ce qu'ils s'appuyaient sur le Coran ou sur la Sunna? Donc c'est pas aïb, comme on dit, c'est pas un tort quand quelqu'un il dit quelque chose, il fait quelque chose, évidemment qu'il y a un lien avec la religion, de lui dire c'est quoi ton délire? Tu t'appuies sur quoi? Tu t'es basé sur quoi? C'était l'habitude des salafs. Et là il a dit قلت حديث حدثناه شعبي. Il dit donc sur un hadith que nous a rapporté Shaabi. Shaabi huwa ici, moi dans mon livre à moi il y a marqué Amir, mais il s'appelait Amr, pas Amir. Amr ibn Sharahil. وقيل ابن عبد الله ابن شراحيل الشعبي الحميري الهمداني أبو علي ولد في خلافة عمر من كبار فقهاء التابعين وثقاتهم روى عن علي وسعد ابن أبي وقاص وغيرهما وعنه أبو إسحاق السبيعي وأشعث وخلق. يقول يعني الشعب يقول ما كتبت سودة في بيضة ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته متى سنة ثلاثة بعد المئة وحديث بالرفع فاعل بفعل محذوف أي حملني على الاسترقاء حديث. Non. Donc, ici, quand il lui a demandé sur quoi il s'était appuyé, il a dit qu'il s'est donc appuyé sur un hadith qu'il a rapporté de Sha'bi. Et Sha'bi, il s'appelait Amr ibn Shurahil. Il y en a qui disent que Ibn Abdullah ibn Shurahil. Al-Sha'bi al-Humayri al-Hamadani Abu Ali, il est né pendant la khilafah d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc il a rencontré, il a vu les compagnons, les compagnons, donc c'est un tabi'i. Et il fait partie des grands fuqaha des tabi'in, et c'est, il faisait partie des gens de confiance, qu'on appelle thiqat, gens de confiance, du plus haut degré de confiance surtout dans le rapport du hadith. Et il a rapporté des hadiths de Ali, des grands compagnons de Sa'd ibn Abi Waqqas et d'autres. Et de lui ont rapporté Abu Ishaq al-Sab'i wa Ash'ath et d'autres. Il dit, et je n'ai jamais écrit quelque chose. Ici le sens de Lam aktub ma katabtu sauda fi bayda, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui apprenait le hadith par cœur. C'est-à-dire il prend le hadith du Sheikh, il écoute le hadith du Sheikh et il l'enregistre directement, il l'apprend par cœur. Il n'a jamais écrit. Il y a certains qui écrivaient l'ahadith. Il y en a d'autres qui apprenaient par cœur, qui n'écrivaient rien comme lui. Il n'y a personne qui lui ait cité un hadith sans qu'il l'apprenne. Chaque fois qu'on lui disait un hadith, il le retient par cœur. Il est mort l'année 103 de l'Hégire. Et hadith, le mot hadith ici, birraf, hadithun. C'est-à-dire, quand il a dit qultu, وفما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي حديث حدثناه الشعبي هذيك سي حديث بالرفع الى مرفوع دونك يبرون ضما pourquoi parce qu'il est فاعل il est sujet بفعل محذوف par un verbe qui est pas dans la phrase. التقدير c'est quoi? اي حملني على الاسترقاء حديث. Donc ce qui m'a, c'était ce hadith qui m'a poussé à chercher quelqu'un pour me faire une ruqya. Moi, c'est un point de grammaire. Non. وَمَا حَدَّثَكُمْ يَعَنِي الشَّعْبِ بِهِ مِنْ جَوَازِ الرُّقْيَا. Donc, qu'est-ce que Sha'bi t'a rapporté comme hadith qui te permettent de faire une ruqya dans cette situation-là? Il dit, قلت حدثنا عن بريدة ابن الحسيب. Donc, Sha'bi, il a dit, je rapporte de بريدة ابن الحسيب, qui était un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Ibn Abdillah, ibn al-Harith, al-Aslami, al-Mutawaffa, bimmaru. سنة اثنتين وسبعون وسبعين سنة اثنتين وسبعين واثنين وسبعين وستين اثنين وستين. Donc بريدة ابن الحسيب, c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait Ibn Abdillah, fils d'Abdullah ibn al-Harith al-Aslami, et il est mort en l'an 62 de l'Hégire. Inch'Allah, on va arrêter là, puisque bon, après on va rentrer dans des explications un peu plus longues concernant la ruqya que Hussein il a demandé. Donc on va arrêter là, inshallah. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.